Chapitre 5e, le pavillon de la Reine Blanche. Aussitôt après la translation de José à l'île de Boëde, le marquis de Kerdal avait fait venir de l'Orient un des plus habiles constructeurs de yachts et lui avait demandé s'il pourrait lui faire un yacht d'agrément assez solide pour pouvoir traverser l'Atlantique. Le constructeur, après avoir répondu affirmativement, lui avait montré divers spécimens et lithographiés, et le gentilhomme breton s'était arrêté à l'un d'eux en lui indiquant toutefois une modification apportée dans la construction de son yacht. Il voulait que le fumoir fût remplacé par une cabine en tôle très épaisse et fermée par une serrure à l'abri de toute effraction. Le constructeur, qui ne voyait là qu'une simple fantaisie à satisfaire, avait déclaré que la chose était très faisable. Le prix du yacht avait été fixé à 30 000 francs et sa livraison fixée à 6 semaines. Cependant, il y avait un point sur lequel il y avait eu un désaccord. Le constructeur ayant demandé 2 mois pour faire livraison du yacht, le marquis avait trouvé ce terme beaucoup trop éloigné. « Livre-le-moi sous 6 semaines et j'ajouterai 5 000 francs de plus au prix convenu », avait dit à la fin le marquis de Kerdal. « Ce sera rude, mais en prenant de bons ouvriers, en plus si on les paye largement, on y arrivera », avait répondu le constructeur alléché par cette prime généreuse. « Vous pouvez donc compter sur moi, monsieur le marquis. » Vous aurez votre yacht dans 6 semaines et je m'engage en outre à perdre 500 francs pour chaque jour de retard. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le marché intervenu entre l'oncle de Fernande et le constructeur de l'Orient. Le départ de Don José pour le Texas ne pouvait donc avoir lieu que sous 3 autres semaines et ce délai créait à Jean de Claudio une situation que chaque jour qui s'écoulait rendait plus intolérable. Chaque jour, en effet, il voyait Fernande et plus que jamais, il se sentait l'aimé. Ce rôle de mari qu'il était contraint de jouer devant les gens du château pour ne pas éveiller de soupçons, et ce rôle d'indifférent lorsqu'il se trouvait seul avec son ancienne fiancée, était au-dessus de ses forces. À toute minute, l'aveu de son amour était sur le point de s'échapper de ses lèvres, et il lui fallait le retenir. C'était entre son devoir et son amour une lutte incessante, terrible, dans laquelle il devait finir par succomber s'il ne prenait pas un parti énergique. Il annonça brusquement un jour au marquis de Kerdal et à la duchesse qu'il partirait le soir même pour Paris. Le marquis voulut le retenir. « Attendez au moins, lui dit-il, que celui dont j'ai horreur de prononcer le nom ait quitté la France. »« Pedro est près de lui, répondit Jean, et nous n'avons rien à craindre. »« Mais rien ne vous rappelle à Paris en ce moment, repartit le vieux gentilhomme. »« J'ai mon père à venger, répliqua le jeune duc, et il me tarde de savoir si les recherches que j'ai ordonnées ont amené la découverte de son assassin. » Le marquis n'insista pas davantage. Fernande, elle, n'avait pas prononcé une seule parole pendant cet entretien. Avait-elle deviné le véritable motif qui décidait Jean de Clodion à s'éloigner, et ainsi que lui, se disait-elle avec un serrement de cœur que son éloignement était devenu indispensable? Son visage était demeuré impénétrable. Le duc Jean, ainsi qu'il l'avait annoncé, quittait le soir même le château de Kerdal, et le cormoran envoyait à Carmela une dépêche télégraphique qui ne contenait que ces mots, « L'homme que vous savez part ce soir pour Paris. » Comment l'émissaire de Madame de Sanlouco avait-il connu le départ de Jean? Nous allons l'expliquer brièvement. Le premier soin du cormoran à son arrivée à Vannes avait été de se faire indiquer le chemin qui conduisait au château de Kerdal et il s'y était présenté sous le costume d'un mendiant. Fernande, nous l'avons dit, était secourable au pauvre et jamais sa main ne demeurait fermée devant une misère. Le cormoran avait donc été charitablement accueilli par les serviteurs du château. Pas un jour ne se passait sans qu'il y parût, et quand l'occasion s'offrait, il s'efforçait de prouver sa reconnaissance aux uns et aux autres en leur rendant de petits services, en se chargeant de commissions et de lettres pour Vannes, et jamais il n'avait voulu accepter la moindre rémunération pécuniaire. Par suite de cette tactique habile, il était arrivé rapidement à se mettre dans les bonnes grâces de tous. Personne ne soupçonnait le rôle odieux qu'il jouait. Il avait ses entrées libres au château. Il en profitait naturellement pour épier sournoisement tout ce qui s'y passait et entendre tout ce qui s'y disait. C'est ainsi que, 12 jours à peine après son arrivée à Kerdal, il avait pu, dans une lettre à Carmela, lui envoyer les renseignements suivants. Le duc paraît amoureux de la duchesse qui se montre très réservée près de lui. Allez voir tous les deux, on ne les prendrait pas pour mari et femme. Le duc a quitté tout dernièrement son appartement qui était voisin de celui de la duchesse et il habite maintenant, au premier étage, la chambre dite d'honneur. La créole, après avoir reçu cette note, chercha à s'expliquer ce qui avait pu motiver le changement survenu dans les relations des deux époux. « J'y suis, se dit-elle après réflexion, « José, sous l'empire de la terreur que je lui cause, aura tout avoué à la duchesse. » De là, leur séparation tacite, tout en conservant les apparences. « Ah, s'il croit m'échapper à l'aide de ces petits arrangements de famille, il se trompe. J'ai entre les mains de quoi les forcer à capituler. » Au reçu du télégramme, qui annonçait le retour du bâtard de Clodion à Paris, Carmela eut un geste de triomphe. « Je l'emporte puisqu'il revient !» se dit-elle. La duchesse a signé la procuration. Placée derrière sa fenêtre à l'heure où elle supposait que Don José arriverait, elle épia son erreur. Mais José ne parut pas. Le lendemain, elle recevait cette nouvelle lettre du Cormoran. Dans la crainte d'une fourberie du duc, je l'ai précédé à Vannes le soir du jour fixé pour son départ et je l'ai vu, de mes yeux vus, monter en chemin de fer dans un coupé-lit. La duchesse est triste depuis que son mari est parti. Contrairement à ce que j'avais supposé d'abord, elle l'aimerait donc. S'il lui écrit, je vous en informerai. Le billet du Cormoran fut un coup de foudre pour Madame de San Luco. Non seulement José n'avait répondu que par silence à sa dernière et impérieuse sommation, mais il poussait la révolte jusqu'à venir à Paris sans la voir. « Il se cache, » pensa-t-elle, « mais je saurai bien le retrouver. » Ce qui s'était passé, nos lecteurs l'ont sans aucun doute deviné. Le duc Jean était bien parti de Vannes, ainsi que le Cormoran l'avait annoncé à Carmela. Mais pendant le trajet de Vannes à Paris, il avait effectué sa transformation et c'était l'anglo-indien, Sir John Astley, qui était descendu à la gare du chemin de fer de la rue Saint-Lazare. Pendant que la créole se préoccupait et s'irritait de ne pas voir José, Sir Joan, de retour à son hôtel de la rue Tilsit, mandait Léonce de Folfeuille. Le policier poète accourut. Son visage était radieux. « Milord, dit-il en s'inclinant, je crois que vous pouvez préparer la clé de ma villa ainsi que le titre de rente qui complétera le majorat que votre seigneurie veut bien créer en ma faveur. Vous avez donc trouvé Maresco ? Demanda vivement Jean de Clodion. « J'ai tout lieu de le croire, Milord, répondit Folfeuille. Toutefois, il est possible que je me trompe. Mais si votre seigneurie veut venir avec moi jeudi soir au bal de la Reine Blanche, elle saura sans nul doute à quoi s'en tenir. Je ne l'ai entrevue que pendant un seul jour, il y a 2 ans, répliqua le jeune duc. Mais ses traits sont demeurés gravés dans ma mémoire, et si c'est lui, quelque changé qu'il puisse être, soyez tranquille, je le reconnaîtrai. Folfeuille raconta alors la campagne qu'il avait faite, puis arriva à l'existence de cette bande mystérieuse dont Maresco était le chef et Hector l'un des affiliés. « Avec tout ce que je sais, ajouta-t-il, il me sera facile de faire pincer tous ces gaillards-là et leur chef en tête. « Gardez-vous-en bien, dit Sir Johan Astley. Je désire que la police n'intervienne en aucune façon dans mes affaires personnelles, et je me réserve d'agir comme je l'entends à l'égard de ce misérable Maresco, si c'est réellement lui que vous êtes parvenu à découvrir. « Vous agirez vis-à-vis de lui comme il vous conviendra, Milord, répondit le poète policier. Vous m'aviez chargé d'une mission, je l'ai remplie, et je me lave les mains du reste, puisque, en ce moment, je n'appartiens plus à la préfecture de police. Toutefois, comme je tiens à ce que votre seigneurie soit édifiée sur le plus ou moins d'exactitude de mes renseignements, je la prierai de vouloir bien assister à la réunion qui aura lieu demain jeudi à 8 heures du soir dans le petit pavillon de la Reine Blanche. Demain, à 8 heures, je me trouverai à l'entrée du bal. À 7 heures, Milord, à 7 heures, et sous un déguisement, bien entendu, cela va de soi. À demain soir donc, dit Léonce de Folfeuille. « À demain, » répondit Jean de Clodion, en reconduisant Léonce jusqu'à la porte de son cabinet. Le Cormoran, trompé comme tout le monde par la ressemblance des deux frères, avait annoncé à Carmela par un télégramme et confirmé le lendemain dans une lettre le départ de Vannes du bâtard de Clodion. La créole avait attendu José pendant 2 jours et José n'avait pas paru. Hector de Livran dormit mal la nuit de ce second jour. Ces châteaux en Espagne de l'avant-veille, au milieu desquels dansaient les millions de la duchesse de Clodion, qui devait arriver avec sa procuration si longtemps désirée, s'étaient écroulés tout à coup, et dans ses rêves, il s'efforçait de le ressaisir lorsqu'un coup de sonnette l'éveilla en sursaut. « Qui diable peut venir chez moi de si grand matin ?» se demanda le vicomte en se frottant les yeux. Un nouveau coup, plus accentué que le premier, se fit entendre. L'ex-ténor sauta bas de son lit. « Qui est là ?» dit-il à travers la serrure. « Facteur, lettre chargée, » répondit une voix sonore. « Dans un instant, je suis à vous, » répliqua le bel Hector. Il endossa rapidement sa robe de chambre, puis il ouvrit. L'homme de la poste entra et sortit de sa boîte traditionnelle une lettre fermée par 5 cachets. « Donnez, » fit le vicomte en tendant la main. le reçu d'abord, repartit le facteur en présentant son carnet. Cette formalité remplie, l'employé de la poste partit, Hector de Livran se hâta de décacheter la lettre. Elle ne contenait aucune valeur, mais une simple feuille de papier avec quatre lignes d'une grosse écriture. Mercredi matin, au reçu de la présente, le perroquet se rendra immédiatement rue des Saules. « La peste soit de l'animal qui me cause de telles émotions !» grommela le vicomte. « Je croyais trouver dans cette lettre des billets de banque, et au lieu de cela, c'est l'ordre de me rendre sur le champ chez Mélinet. Je commence à trouver que le bonhomme me l'a fait un peu trop à la despote. » Comme il tombait de sommeil, il se demanda un moment s'il ne se recoucherait pas, mais la prudence l'emporta sur son envie de dormir. Il s'habilla en toute hâte, prit un fiacre et se fit conduire chez celui qui disposait de sa liberté avec tant de sang-façon. « Assieds-toi, mon neveu, » lui dit le capitaine pour tout préambule, « nous avons à causer de choses sérieuses. »« Parlez, » répondit Hector, devenu souple comme un gant. « Ainsi que je te l'ai déjà dit, je veux bien t'abandonner en toute propriété le joli petit million de Carmela, mais c'est à la condition que tu m'aideras à empocher les gros millions que ta princesse veut escamoter à la duchesse de Clodion. Vous pouvez compter sur ma bonne volonté à ce sujet, » repartit Hector avec un accent résigné. « Il ne s'agit pas de ta bonne volonté, » répliqua le capitaine, dont la figure bonasse prit tout à coup une expression impérieuse, « mais de ta complète obéissance à exécuter mes ordres. » « Je n'ai jamais manqué, maître. Non, certes, pas ouvertement du moins. Mais tu les as laissés en souffrance par ton inertie, et depuis quelques jours, tu me traites un peu en oncle de comédie. Je ne vous comprends pas. Je t'ai déclaré que je voulais la direction absolue de l'affaire des millions de Croix-Marie, et pour cela il est nécessaire que je sache où elle en est à cette heure. Carmela a-t-elle vu son duc de contrebande? Le duc n'est pas à Paris. Comment il n'y est pas? J'ai reçu avant-hier de Cormoran un télégramme qui m'apprend son retour. Carmela en a reçu un également, lui annonçant la même nouvelle, et pourtant le duc n'a pas paru à son hôtel. C'est un créole qui t'a fait ce compte-là. S'il était revenu, je l'aurais bien su, puisque son hôtel touche à celui de Carmela. Tout cela, perroquet, me semble furieusement louche, et j'entends tirer la chose au clair. Tu m'amèneras ce soir ta dulcinée, je vais la voir, et savoir s'il ne manigance pas quelques petites gourdineries pour encaisser les millions de la duchesse sans t'en prévenir. Elle n'a pas de secret pour moi, vous le savez bien. Tu peux te fourrer le doigt dans l'œil, mon garçon. Cordieu, toi, un vicomte Bontain, tu dois connaître tout aussi bien que moi les vers d'un roi de France très fort sur le chapitre des roueries féminines. Souvent femme varie, bien folle, et qui s'y fie. Tu peux te fier à Carmela, c'est ton droit, mais mon devoir est de m'en mêler. Et puis c'est un caprice dont je veux me passer la fantaisie. Je n'ai pas revu cette chère fille depuis près de 3 ans, et je suis curieux de voir si elle est toujours la belle Carmela d'autrefois, qui faisait tourner toutes les têtes et battre tous les cœurs sur son passage. Mais vous ne craignez donc pas qu'elle vous reconnaisse? Sois tranquille à cet égard. D'abord, je suis très changé depuis que nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois, et puis je prendrai mes précautions. Si, comme elle le prétend, elle n'a pas revu son duc, elle doit être fort en peine de lui. Elle n'en dort plus. Eh bien, tu lui diras que tu connais un homme habile qui se fait fort de le retrouver, et tu me nommeras. Si elle accepte de s'en tergiverser, c'est qu'elle ne t'a pas menti et qu'elle ignore où il est. Et alors, je prescrirai des recherches pour le découvrir, car le plus intéressé à sa recherche, ce n'est pas la créole, c'est moi qui ai la prétention de rafler les millions de la duchesse au profit de notre honorable corporation. Ainsi donc, voilà qui est arrêté. Ce soir, à 8 heures, tu m'amèneras Carmela. Si elle refuse, je comprendrai ce que son refus voudra dire, et j'agirai en conséquence. Sur ce, mon garçon, jusqu'au revoir. Hector se retira, remonta dans son fiacre, et il se rendit sans désemparer chez Madame de San Luco. La créole était en proie à une violente agitation. « Vous n'avez pas de nouvelles du duc ?» lui demanda-t-il. « Aucune, » répondit-elle. « Si un accident était arrivé sur la ligne de Bretagne, les journaux en auraient parlé, et ils sont muets à ce sujet. » « Et quelle conclusion tirez-vous de cette absence inexplicable ? Ou il est mort, ou il se joue de moi. Et ce qui m'irrite le plus, c'est que s'il se cache dans Paris, je n'ai aucun moyen de l'y découvrir. » Madame de San Luco venait sans s'en douter de fournir au vicomte l'occasion de mettre Mélinet sur le tapis. Il fit mine de réfléchir un instant. « Peut-être, cher ami, pourrais-je vous tirer de perplexité, » dit-il. « Je connais un homme qui n'a pas son pareil dans ces sortes d'affaires. C'est une espèce d'usurier qui fait tous les métiers et s'il veut s'employer pour vous, je ne doute pas qu'il parvienne à découvrir le duc, s'il est à Paris. « Amenez-moi cet homme, » répliqua vivement Carmela. « Aucun sacrifice ne me coûtera, pour savoir ce que j'ai tant d'intérêt à connaître. » « Je voudrais pouvoir accéder à votre désir, » répondit Hector de Livran, « mais il y a une petite difficulté. Monsieur Mélinet, c'est le nom de cet homme, a conscience de sa valeur, et il croirait déroger s'il allait offrir ses services. Toutefois, si vous le voulez, je vous prendrai ce soir entre 7 et 8 heures, et je vous conduirai chez lui. Nous sommes certains de cette manière de ne pas faire antichambre. » La proposition de l'exténor fut naturellement agréée, et le soir, à 7h30, il se rendait en fiacre rue des Saules avec la créole, qui, pour la circonstance, avait fait une toilette des plus simples. À 8 heures, la voiture s'arrêtait devant la porte de Mélinet. Au moment où Hector frappait, Mélinet Marescot, qui l'avait informé de cette visite par un petit billet, se tenait sous les armes. Tapi, comme toujours, derrière son grand bureau, il avait soin de placer sa lampe de façon à ce que la lumière éclairât en plein le visage de Carmela, tout en laissant le sien dans l'ombre. Mélinet, au bruit du marteau, mit ses lunettes bleues, puis poussa le ressort qui faisait ouvrir la porte d'entrée. Madame de Sanlouco et le vicomte montèrent l'escalier et ils entrèrent. Le prétendu agent de l'affaire, sans se lever et sans prononcer un mot, indiquait de la main de siège qui semblait avoir été disposée à l'avance pour les recevoir. Ce fut Hector de Livran qui, en sa qualité d'introducteur, prit la parole. « Monsieur Mélinet, madame m'est dans une inquiétude mortelle au sujet d'un voyageur parti de Vannes pour Paris dimanche soir. Elle l'attendait lundi matin, nous sommes aujourd'hui mercredi et il n'a pas encore paru. Madame est-elle certaine que le voyageur en question soit monté dans le train de dimanche ?» demanda, pour la forme et en contrefaisant sa voix, Mélinet, qui savait parfaitement à quoi s'en tenir sur la sincérité des paroles de Carmela. « Parfaitement certaine, » répondit-elle, « j'en étais informée par un télégramme. »« Fort bien, et vous désirez sans doute que je fasse des recherches pour savoir ce qu'il est devenu. »« Oui, monsieur. »« Avant tout, madame, nous réglerons la question d'argent, car je serai obligé de payer les agents que je vais mettre en mouvement. »« Fixez le chiffre de vos honoraires, » répartit la créole en tirant un portefeuille amplement garni de billets de banque. « Ce sera 5 000 francs. »« Les voici, monsieur, » dit Carmela en les mettant sur le bureau. Le vicomte ne put dissimuler une grimace en voyant que les précieux chiffons de papier allaient passer dans le coffre-fort de Mélinet. Il trouvait que le bonhomme puisait avec trop de sang-gêne dans le million sur lequel, lui, Hector de Livran, avait jeté son dévolu. « Il me reste maintenant, madame, à vous demander votre nom et votre adresse, ainsi que l'adresse et le nom de la personne que vous voulez faire rechercher. » dit Marescot Mélinet. « Je me nomme Madame de Sanlouco, » répondit la créole, « et la personne dont la disparition m'alarme si fort s'appelle le duc de Clodion. Il habite un hôtel contigu au mien dans l'avenue Gabriel. » Pendant qu'elle parlait, Mélinet, pour jouer jusqu'au bout son rôle d'agent d'affaires, prenait des notes sur un carnet. « Si monsieur le duc de Clodion est à Paris, madame, sous 8 jours je vous ferai savoir où vous le trouverez. » L'audience était terminée. Hector se rangea pour faire passer Carmela devant lui et se rapprochant de Mélinet. « Eh bien, » lui dit-il à voix basse, « croyez-vous qu'elle ait des secrets pour moi ?»« Non, » répondit Mélinet également à voix basse, « et je vais mettre tous les camarades en campagne pour savoir ce qu'est devenu son duc de pacotille, car sa fume chiffonne plus qu'elle. » Puis, lui glissant dans la main les billets de banque qu'il venait de recevoir, « Prends ces chiffons, » ajouta-t-il, « c'est pour tes cigares. » Le vicomte fit lestement passer dans sa poche ce qu'il considérait comme une restitution légitime, puis il rejoignit dans l'escalier Carmela, qui n'avait aucun soupçon du chantage opéré à son détriment au profit de son cher Hector. Le lendemain de la visite de la créole à M. Mélinet était le jeudi où devait avoir lieu la réunion des compagnons de l'Arche de Noé et le rendez-vous de Sœur Joanne et de Léonce de Folfeuille devant l'entrée du bal de la Reine Blanche. Le lendemain, à 7 heures du soir, le poète policier dans son costume de petit rentier et Sœur Joanne Astley, transformée en marchande de la cité de Londres, se trouvaient à l'endroit indiqué à l'heure convenue. Sur le seuil de la porte du bal, le jeune voyou qui remplissait les honorables fonctions de laveur de plancher attendait son ami le bourgeois qu'il devait introduire, moyennant finance, dans le grenier du pavillon. Il fit la grimace en voyant que Folfeuille n'était pas seul. « J'avais promis pour un, » dit-il, « pas pour deux, le marché ne tient plus. »« Mais si je double la somme ?» répondit Léonce en portant la main à son gousset. Le jeune drôle se gratta un instant la tête, il hésitait. D'un côté, il tenait empoché les 6 genêts de 20 francs. Mais d'autre part, il craignait, si l'on surprenait les 2 individus dans le pavillon, que son patron ne le flanquât à la porte. « Qu'est-ce que c'est que votre ami ? » demanda-t-il à l'agent avec défiance. « C'est un marchand de Londres que je connais depuis 20 ans, » répondit Léonce. « Pourquoi vous a-t-il accompagné ?»« Pour voir de près ce qu'est un bal de barrière. » « Votre anglais, je verrais bien mieux s'il restait dans la galerie, » repartit le voyou. « Sans doute, mais il demeure derrière le Luxembourg, et je craindrais, si je le laissais tout seul, qu'il ne pût retrouver son chemin au milieu de tous les nombreux changements faits dans Paris. « Il n'aurait qu'à le demander. Il ne sait pas un mot de français, » répliqua le poète policier. « Voyons, si je n'ai de 20 francs, ça va-t-il, oui ou non? Décidez-vous. »« Mettez-en 7, » répondit le laveur de plancher. Léonce de Folfeuille tira son porte-monnaie de sa poche, sortit 7 pièces de 20 francs et les remit au jeune drôle. « Prenez vos billets rondement et suivez-moi ensuite, » dit son interlocuteur, après avoir glissé les genêts dans son gousset. Le poète policier prit 2 billets au contrôle et suivit le voyou. Lorsqu'ils furent arrivés au fond du jardin, le laveur de plancher tira une clé de sa poche, ouvrit le pavillon, fit passer devant lui Léonce et sœur Joanne Asley, referma la porte, s'arrêta un moment pour allumer un rade-cave, puis les conduisit à l'étage supérieur. « Maintenant, leur dit-il, en emportant la lumière, ne bougez pas plus que si vous étiez empaillés. Il y va de votre peau à tous les deux et de ma place. » Le duc Jean de Clodion et Folfeuille avaient profité de la clarté du rade-cave de leur cicérone pour se placer aussi commodément que possible près de l'ouverture faite par l'enlèvement des tuyaux et pouvoir ainsi tout voir et tout entendre sans danger d'être aperçu. « Je ne pense pas que nous courions le moindre danger, Milord, » dit le poète policier à son compagnon d'expédition. « Mais enfin, il faut tout prévoir. Vous êtes-vous muni d'une arme ?»« J'ai pris un revolver, » répondit Jean. Le temps s'écoula lentement pour nos 2 personnages, plongés dans l'obscurité la plus complète. Cependant, le jardin commença peu à peu à s'emplir, et des rires joyeux, des cris de ralliement et des lambeaux de conversation montèrent jusqu'à leurs oreilles. Enfin, un bruit se fit au-dessous d'eux, dans la pièce du rez-de-chaussée. Léonce de Folfeuille se pencha sur l'ouverture et regarda. « Ce sont nos affiliés qui arrivent, » dit-il tout bas à son compagnon. « Sers-nous de cassis mêlé, » dit l'éléphant au garçon de café qui leur avait ouvert la porte du pavillon. « Ça fera passer le temps en attendant les camarades. » La consommation demandée ne tarda pas à être apportée, et les 2 buveurs, se croyant seuls, se mirent à causer librement. « La réunion de ce soir sera importante, » dit le macaque. « Le maître doit rendre compte de l'encaisse de la société. »« C'est un rude lapin tout de même, » reprit l'éléphant. « Les coups qu'il monte réussissent toujours. Avec lui, on peut aller les yeux fermés. »« Oui, mais ils sont rares, les coups, » repartit le macaque. « Qu'importe, imbécile, pourvu qu'il rapporte gros et augmente le fonds social. » En ce moment, un nouveau bruit se fit entendre et la porte du pavillon s'ouvrit pour la 2e fois. C'était le colibri, le jaguar, qui faisait leur entrée. « Bonsoir, les enfants de l'Arche !» dit le colibri en parodiant le salut militaire. Puis se tournant vers le garçon de café, qui était à moitié sorti, « Un punch au kirsch » ajouta-t-il, « et lestement. J'ai le gosier à sec comme une citerne tarie. » « Mais le maître n'est pas encore arrivé, » fit observer l'éléphant. « Attendons-le. »« Je viens de voir le perroquet, » répondit le jaguar. Il m'a dit de faire servir les rafraîchissements afin de n'être pas dérangé pendant la séance. « Le cormoran serait-il des nôtres ?» demanda le macaque. « Toujours en mission, » repartit le colibri. « Ce soir, nous ne serons que 6. » Le bol commandé venait d'être servi lorsque la porte s'ouvrit pour la 3e fois. Toutes les conversations cessèrent comme par enchantement. Le maître, c'est-à-dire M. Mélinet, venait d'entrer, suivi d'Hector, dit le perroquet. Le capitaine était vêtu d'une houppelande grise et d'un pantalon de même couleur, comme dans son cabinet d'affaires. Seulement, il avait remplacé sa casquette de loutre par un chapeau à forme basse et à large bord qui lui cachait la moitié de la figure. Sur un signe qu'il fit, le perroquet ferma la porte à 2 tours. Mélinet alors plaça son chapeau sur une chaise et son visage parut en pleine lumière. « C'est lui, c'est bien lui, c'est Job, ou plutôt Maresco, » dit le duc Jean à mi-voix à Folfeuille. « Oui, je le reconnais. »« Je le reconnais, le misérable. »« Il va parler, Milord, » fit le poète policier. « Écoutons. » Mélinet, avec les graves intonations d'un gérant qui s'adresse à des actionnaires, annonça qu'il allait présenter les comptes de la société. En même temps, il tira de la poche de sa houppelande un portefeuille en peau de chagrin fermé par une petite serrure, puis il prit une clé au milieu des breloques de sa chaîne de montre, l'ouvrit et déplia une feuille de papier couverte de chiffres. Ses co-associés posèrent leurs coudes sur la table et leurs mentons dans leurs mains pour mieux entendre. « Notre actif, continua le chef, s'élève à 500 000 francs, sur lesquels il faut déduire une somme de 50 000 francs pour frais généraux. »« 500 000 francs ? » dit l'éléphant avec un geste d'admiration. « Silence ! » fit Mélinet d'un ton de commandement. « Silence ! » firent tous les autres. Comme fondateur en chef de l'association des compagnons de l'Arche et conformément à nos statuts, poursuivit Mélinet, je dois prélever à mon profit le quart des 450 000 francs restants, soit 112 500 francs, il y a donc à partager entre vous, le perroquet excepté, puisqu'il n'a pas pris part à nos opérations, la somme de 337 500 francs, soit 67 500 francs par tête. « Quelle rude noce !» dit l'éléphant. « Toutefois, ajouta M. Mélinet, le partage ne doit avoir lieu, toujours d'après nos statuts, que lorsque le fonds social permettra de donner un dividende de 100 000 francs à chaque sociétaire. » Cette déclaration jeta un certain froid dans l'Assemblée. « Alors il nous faudra attendre plusieurs années encore pour devenir des capitalistes, » dit le colibri avec un soupir parti du fond du cœur. « Avant 2 mois, les compagnons de l'Arche de Noé seront tous millionnaires, si les 2 affaires que je prépare réussissent, » répliqua le chef d'un ton solennel. Un frémissement parcourut l'assemblée et les applaudissements éclatèrent. Mélinet parut flatté de cet hommage et, lorsque l'émotion générale se fut calmée, termina son petit speech en ces termes. « Ce n'est pas à l'aveuglette que je combine mes plans. Jamais je ne vous ai engagé que dans des parties gagnées à l'avance. Continuez donc, mes enfants, à m'obéir avec docilité et sous peu, vous pourrez vivre de vos rentes. Maintenant, videz vos verres de punch et laissez-moi avec le perroquet et le colibri auxquels j'ai donné des instructions relatives aux opérations qui ne doivent faire de vous des Rothschild. » Les verres de punch vidés, l'éléphant, le macaque et le jaguar se disposèrent à partir. « Un instant !» fit le maître en les arrêtant par un geste amical. « Il me reste à vous donner de l'argent de poche. C'est une gratification que je prélève sur ma part. » Il sortit alors de son portefeuille 5 billets de 1 000 francs et il en remit un à chacun de ses affiliés. « Vive, monsieur Mélinet !» voulut s'écrier le jaguar, enchanté de cette largesse. « Chut !» fit le maître. « On pourrait entendre. » Léonce de Folfeuille et son compagnon s'attendaient assurément à de curieuses révélations, mais leurs espérances se trouvaient amplement dépassées. Leur étonnement devait s'accroître encore. Lorsque Mélinet fut seul avec le perroquet et le colibri, il prit de nouveau la parole et, s'adressant au vicomte Hector de Livran, « L'anglo-indien est-il enfin de retour à Paris ?» lui demanda-t-il. « J'ai vu dans la matinée Sir Johan Astley à son cercle, dont je fais maintenant partie, » répondit le perroquet. « Fort bien, » répliqua le maître. « À présent, il importe d'avoir un plan exact de son hôtel de la place de l'Étoile. Et j'ai songé pour cela à toi, à nous deux, perroquet, » dit M. Mélinet à Hector, après le départ du colibri. « Tu auras soin de surveiller la rentrée des millions de l'anglais quand la monnaie aura converti en numéraire ses lingots sortis de la Banque de France, et tu m'en donneras avis sans perdre une minute. » Le duc Jean, en entendant ces paroles, ne put se défendre d'un mouvement de stupeur, et il heurta légèrement un meuble placé près de lui. « Il y a du monde là-haut, » dit Mélinet en se levant vivement. « Un chat, sans doute, » répondit le perroquet. « Pour plus de sûreté, allons toujours voir, » repartit le maître. « Prends un flambeau, passe devant et ne crains rien, je suis là. » Hector de Livran prit un flambeau et se mit à monter les marches de l'étroit escalier. Derrière lui marchait Mélinet, un couteau poignard à la main. Aucune de ses paroles et aucun de ses préparatifs n'avaient échappé à Léonce de Folfeuille. « Venez, Milord, » dit-il tout bas, « vous en savez plus que je ne l'avais supposé, et vous n'avez plus rien à apprendre. Venez, car si vous restiez, il y aura du sang versé en pure perte. » Il entraîna son compagnon vers la fenêtre qui donnait sur le jardin de la maison voisine. Cette fenêtre était à environ 2 mètres du sol. « Sautez, Milord, je vous suis, » continua-t-il après l'avoir ouverte. Jean de Clodion se suspendit à l'appel de la croisée et s'élança dans le jardin voisin. Le poète policier le rejoignit immédiatement. Lorsqu'ils furent dans le jardin, ils se dissimulèrent derrière le mur, de manière à ce que l'ombre projetée par la muraille empêcha qu'on pût les apercevoir. Il n'était que temps. Les 2 bandits venaient d'entrer dans le grenier. Personne, dit le perroquet, en promenant sa bougie de tous les côtés. « Cette fenêtre ouverte, on a pu fuir par là, » s'écria Mélinet en se penchant sur le jardin. Mais l'obscurité et l'ombre que projetait la muraille l'empêchèrent de voir les 2 fugitifs. Il prêta attentivement l'oreille et n'entendit aucun bruit. « Voulez-vous que j'aille inspecter ce jardin ? » lui dit Hector. Léonce de Folfeuille eut un moment d'indicible angoisse. Le duc Jean prit son revolver et l'arma. « Descends, » répondit Malinet, « mais fais en sorte qu'on ne t'aperçoive pas des maisons voisines, car on pourrait te prendre pour un voleur, et dame, mon garçon, ce ne serait pas drôle pour toi. » Ces paroles donnèrent beaucoup à réfléchir au perroquet. « Mais si je descends, reprit-il, comment remonterai-je ? » « C'est juste, » répliqua le maître. « Bien, je me serais trompé. » Le poète policier respira. Jean de Clodion remit son revolver dans sa poche. « Savez-vous, capitaine, » dit Hector en riant, « que depuis la visite de l'épicier de l'autre jour et votre aventure sur les boulevards, vous devenez quasi maniaque. Vous voyez des mouchards partout. »« Tout ce que tu voudras, mon fils, » répondit Mélinée en descendant l'escalier. « Mais je sens autour de moi comme une surveillance occulte, comme un ennemi invisible qui me menace. » Il faudra redoubler de prudence, ou gare à nous. » La lumière avait disparu, mais Linet, le perroquet, était rentré dans la pièce du rez-de-chaussée. « Maintenant, Milord, il s'agit de sortir d'ici sans perdre une minute, » dit Léonce de Folfeuille à son compagnon d'équipée. Et le prenant par le bras, il le conduisit vers la partie de la muraille qui donnait sur la rue Cauchois. L'ascension ne fut pas difficile, et quelques instants plus tard, il se trouvait dans cette rue qui était déserte, d'où il gagnait le bas de la rue Lepic et la barrière blanche. « Eh bien, Milord, » dit le policier poète, « à présent que vous avez retrouvé Maresco et que vous connaissez ses charitables intentions à votre égard, votre seigneurie est-elle toujours décidée à ne pas saisir la justice de ce qui se passe ?»« Plus que jamais, mais parlons un peu de vous, monsieur de Folfeuille. Êtes-vous libre demain ?»« Oui, Milord. » »« Eh bien, venez me prendre à mon hôtel vers 11 heures. » Et nous ferons ensemble une petite excursion moins dangereuse que celle de ce soir. C'est convenu, n'est-ce pas ? J'aurai l'honneur de me présenter chez votre seigneurie demain matin à 11 heures précises, répondit Léonce de Folfeuille en prenant congé de son compagnon d'aventure.